Et maintenant, pour tous les jolies demoiselles dans la salle, voici. Bye. Je me suis bien promis Les filles veulent toujours avoir raison, gagner sur les garçons. Partout et même dans ta maison, et du flair, elles en ont. Je serai pour toi l'être à désirer.